Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Outlap, c'est votre tour de sortie du week-end. Et aujourd'hui, on va parler endurance. Et oui, car cela faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé dans le podcast. Pour m'accompagner dans ce 26e épisode déjà, une formation un peu spéciale car je suis moi-même à la présentation, tandis que Cyprien me rejoint pour sa première apparition au micro dans notre podcast. Comment ça va Cyprien ? Ça va très bien, et toi Gonzalo, tu te sens pas trop stressé pour cette première à la présentation ? Non, ça va, tout va bien, notamment après la petite victoire de l'Olympique de Marseille face à ton Olympique Lyonnais hier soir, donc tout va bien. Pour la petite histoire, Cyprien nous a rejoint il y a 2 semaines. Est-ce que Cyprien, tu veux t'introduire à notre public ? Ben écoutez, je suis enchanté de vous rejoindre, donc moi c'est Cyprien, comme Gonzalo l'a dit, je débarque tout juste chez Auto Hebdo. Mais c'est une belle aventure qui commence avec ce podcast et directement par une attaque sur mon club de foot préféré qui malheureusement n'a pas été au niveau hier, mais je pense qu'aujourd'hui on va aborder des sujets un peu plus réjouissants, heureusement pour moi. Et oui, désolé Cyprien, j'étais un peu obligé de la faire, mais voilà, c'est un peu notre petit moyen de te dire bonjour et bienvenue à la maison. Ah bah là je me sens vraiment le bienvenu, ça fait plaisir en tout cas. Et pour ouvrir ce podcast dédié à l'endurance, on va parler de Ford. Il faut dire que la marque à l'ovale a eu une dernière semaine très très très chargée, avec tout un tas d'annonces allant de plein de disciplines différentes. Et celle qui a retenu le plus l'attention du public Cyprien, c'est celle du retour au WEC, mais pas en GT3, cette fois-ci en catégorie reine, pour jouer la gagne au Mans. Ah oui, là c'est une sacrée annonce qu'a fait Ford cette semaine, c'est le retour d'une marque vraiment iconique, hein. On se souvient tous de la GT40, là, des années 60 victorieuses. De Ford, ça vient compléter un plateau qui était déjà franchement hyper alléchant, hyper fourni. Donc je pense que c'est une super nouvelle pour tous les fans d'endurance. Ça fait un peu plus de compétition et puis on a déjà hâte de voir ce que ça va donner, Ford. Et oui, tu le disais, une marque emblématique de l'endurance. Des 24 heures du Mans, on se rappelle tous des duels avec Ferrari dans les années 60. Ford, pour rappel, à l'époque, c'est 4 victoires de suite, de 66 à 69. Encore une fois, toutes ces batailles avec Ferrari, le film qu'on connaît tous... Et tu le disais toi-même, on commence à avoir un gros plateau. Est-ce qu'on parle même plus d'âge d'or, là on a dépassé l'âge d'or. Certes, c'est que pour 2027, mais si on se projette à l'horizon 2027, Cyprien, on se dit vivement 2027 et déjà les prochaines éditions s'annoncent très très chargées. Ah ouais, je suis complètement d'accord, vivement 2027, mais comme tu l'as dit, vivement déjà 2025, puisqu'on est vraiment dans un âge d'or de l'endurance qui est un vrai plaisir. On l'a vu l'an dernier au Mans, le retour de Ferrari là, depuis 2 ans couronné de succès. Cette année, on va voir l'arrivée d'Aston Martin. Il se murmure que McLaren, c'est un peu plus que des murmures même, McLaren devrait annoncer son arrivée aussi dans les mois à venir. Ça pourrait être d'ailleurs aux 24 heures du Mans. Donc là, franchement, c'est un plateau exceptionnel. On va avoir Alpine, Aston Martin, BM, Cadillac, Ferrari... Genesis aussi, la marque de Hyundai qui arrive dès l'an prochain, Peugeot, Porsche, Toyota, du coup Ford maintenant, sûrement McLaren, peut-être Mercedes. Enfin, maintenant, quand vous pensez à une marque auto un peu prestigieuse, elle est forcément au Mans, donc c'est génial pour le spectacle. Maintenant, Ford n'a pas vraiment dévoilé grand-chose non plus sur son programme. Ils vont sûrement venir avec de l'ambition, c'est dans leur ADN, hein. Tu l'as très bien rappelé, ces 4 victoires de suite dans les années 60, ils étaient déjà arrivés avec l'ambition de faire tomber Ferrari, ils y étaient parvenus. Là, on se retrouve un peu dans la même situation, on a Ferrari qui domine, enfin qui domine, c'est pas vraiment le mot parce que ça reste très serré, mais Ferrari qui gagne, Ford qui va arriver, est-ce qu'ils pourront mettre fin à l'hégémonie de Ferrari ? En tout cas, ça promet vraiment du spectacle. Comme tu le disais, forcément, Ford, s'ils viennent aux 24 heures du Mans, on connaît les Américains, ils n'y viennent pas pour faire figure. Non, c'est sûr. Je pense qu'ils vont avoir de l'ambition et c'est tout ce qu'on leur souhaite parce qu'on a, aujourd'hui quelques constructeurs qui sont en lice pour la victoire. On a aussi quelques interrogations. Hein, encore une fois, dans les marques qui arrivent, on attend de voir Aston Martin, on attend de voir Genesis l'an prochain. On attend aussi de voir ce que nos Français peuvent faire. Alpine, qui cette année a des ambitions un peu plus élevées que l'an dernier. Donc, où Ford va se placer ? Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Quel pilote, quel châssis, quelle structure vraiment. Pour le moment, on peut dire que Ford a globalement pas annoncé grand-chose, si ce n'est sa participation, enfin son retour en WEC et au Mans. Donc ça laisse place à l'imagination et on peut fantasmer quelques belles petites choses qui pourraient arriver prochainement en tout cas. Tu disais place à l'imagination, parlons d'imagination, projetons-nous un peu sur 2027. on peut quand même, aujourd'hui, le 3 février 2025, on peut quand même se projeter à 2 ans de plus d'ici là, parce que Ford travaille déjà en Wake via le GT3, donc on peut se dire qu'il y a déjà des pilotes qui postulent à 2027. Oui, donc forcément, il y a des candidats un peu naturels. Hein. On a Christopher Mies, Denis Olsen, Frédéric Verwisch, qui sont déjà des pilotes officiels Ford, qui ont en plus gagné à Daytona en GT il y a quelques jours. Donc forcément, ça fait deux des candidats naturels. Après, on peut aussi imaginer que Ford aille piquer un peu chez la concurrence ou tente des paris un peu fous. Je ne sais pas si toi, tu as des noms comme ça qui te viennent en tête, Gonzalo. Non, mais forcément, quand on voit la liste des pilotes, aujourd'hui, les pilotes usines, c'est des très bons pilotes de GT3, mais quand on ambitionne de gagner au Mans, forcément, on ambitionne d'y arriver ou en tout cas de gagner avec des pilotes très connus, on va dire. J'enlève rien à Olsen, Mies, etc. Mais d'ici là, on sait qu'aujourd'hui, le règlement oblige d'avoir 2 LMDH, 2 protos en catégorie reine, pour s'engager en tant que marque. Donc, ça fait déjà 6 pilotes, au moins, au Mans. Mais je me dis, pourquoi pas tenter un ancien de F1, hein, qui était là il y a peu, un Sergio Pérez, un Daniel Ricciardo. 2027, il restera 2 saisons de F1. On sait qu'il y en a certains qui pourrait partir d'ici là aujourd'hui parmi les 20, enfin, des pilotes de F2 qui prétendent à une montée. J'ai envie de dire aujourd'hui, au-delà de Sergio Pérez, un Ricciardo, j'ai envie de me dire et j'ai envie de rêver d'un Théo Pourchaire, pilote officiel en LMDH. Aujourd'hui, il est chez Peugeot en tant que réserviste, mais Théo, on rappelle, il a quand même gagné la F2, fin de saison 2023. Ford va forcément faire confiance à la maison, mais je ne serais pas du tout étonné qu'on aille chercher ailleurs, essayer de ressortir quelques-uns un peu de leur pré-retraite, hein, comme je te disais, un Ricciardo, un Pérez, ou pourquoi pas tenter le pari d'une jeunesse de ces pilotes qui n'ont pas réussi à atteindre la F1. Et si on extrapole un peu, d'ailleurs, tu l'as dit en parlant de Ricciardo et Pérez, on sait que Ford va aussi devenir le motoriste de Red Bull en F1. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais est-ce qu'on peut imaginer du coup que ça créerait des passerelles aussi, les liens entre les deux structures ? Ricciardo qui avait été un pilote Red Bull pendant X années, qui était encore chez Racing Bulls l'an dernier, Sergio Pérez pareil. Verstappen qui a jamais caché son envie pour Le Mans. Bah Verstappen, ouais. Typiquement, on sait qu'en plus la F1 il commence à en avoir un peu marre, donc bon, il est sous contrat jusqu'en 2028. Oui. Ford revient en 2027, ça tombe quand même quasiment à pic. Voilà. On peut imaginer, si on extrapole vraiment, avoir un Verstappen chez Ford, et franchement, ça aurait de la gueule. Verstappen chez Ford face au Ferrari, qu'il a battu à plat de couture déjà en F1, s'il y arrive en endurance, il aura fait le tour de la question. Après, pour ce qui est des pilotes, Ford a annoncé 3 autres jeunes pilotes officiels, là, Arjun Maini, Joseph Owega et David Schumacher. Mais ça rejoint un peu la case, je pense, de ce que tu as dit sur les autres pilotes Ford, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment, sans leur manquer de respect, des pointures. Alors après, il y a un autre. En tout cas, pour le moment. Voilà, pour le moment. Pour le moment, après, on leur souhaite, hein, évidemment. Il y a un autre pilote qui lui, est un peu plus coté chez Ford, qui n'est plus au Mans maintenant, mais c'est Romain Dumas. Donc Romain Dumas qui va d'ailleurs, Ford l'annonce aussi cette semaine, participer à Pikes Peak avec un nouveau bolide proposé par Ford. Mais est-ce qu'on peut imaginer le revoir au Mans ? Ça serait une bonne pioche. En tout cas, aujourd'hui on sait qu'il a des liens avec Ford. Il a lancé sa propre équipe d'endurance. Il fait de l'Asian Le Mans Series. Bon, il commence à être âgé, mais ça, en endurance, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, et puis quand on parle de Romain Dumas, forcément on pense aux 24 heures du Mans, c'est quand même 2 victoires. Je suis dirigeant chez Ford, je l'ai déjà sous mon foyer. Ça serait stupide de ne pas penser à Romain Dumas, ne serait-ce que pour le développement de la voiture, qu'il apporte toute l'expertise qu'il a pu engranger durant sa carrière chez Porsche, chez Ferrari, etc. Ferrari, pardon, excusez-moi, lapsus. On va m'incendier. Alors là, Porsche et Audi, pardon. Et non, mais ça serait, j'ai envie de dire, logique que Romain Dumas, aujourd'hui, soit impliqué dans la LMDH. Ouais, aussi bien par le développement. Oui, c'est ça, c'est un candidat naturel. Peut-être pas au poste de pilote, même si on sait qu'il a récemment fait les 24 heures du Mans avec Lickenhaus. Mais avoir Romain Dumas dans le projet LMDH de Ford, c'est tout à fait logique aujourd'hui. Oui, et puis c'est vrai que ça aurait du sens. Il a quand même une sacrée expérience. Tu l'as dit, il a gagné avec Audi, il a gagné avec Porsche. C'est une expérience qui sera bénéfique pour une équipe qui va débuter. Puisque, évidemment, même si Ford a un glorieux passé, c'est plus du tout la même chose et c'est plus les mêmes personnes en place. Donc il va aussi falloir que Ford recrute, que Ford s'arme d'une équipe de top niveau si vraiment les ambitions sont confirmées. Donc ouais, avoir Romain Dumas, on pourrait imaginer un rôle un peu, comme tu dis, soit dans l'ombre, soit de pilote. Mais en tant que Français, bon, même si toi, t'es plus argentin que Français. Oui. Bon, les deux, les deux, les deux. Les deux, voilà. Donc, en tant que Français, avoir Romain Dumas et puis par exemple Théo Pourchaire que tu as cité tout à l'heure dans la même équipe, franchement, ce serait un beau signe, ce serait une belle transition générationnelle en plus entre, entre deux gros talents très différents, hein, au parcours pour le moment très différent. Mais je pense que Théo Pourchaire, il pourrait vraiment avoir sa carte à jouer. Quoi, avec toutes ces marques qui arrivent maintenant, il faudrait aussi que lui il parvienne à rebondir et on n'espère pas le voir trop longtemps sur la touche chez Peugeot. Donc, Ford, ça serait une belle opportunité. Sauf si d'ici là, il a trouvé ailleurs, il a été promu titulaire, etc. Il y a d'autres pilotes aussi pour citer. On pense à Ben Barker qui fait le WEC en GT3 déjà avec Ford. Et sinon, pour la petite touche un peu historique, c'est Priot qui va faire aussi le WEC. Fils d'Andy Priot qui a fait podium en GTE Pro avec Ford en 2017. Donc, ça serait un peu une histoire de famille, les racines, prolonger la belle relation. Mais voilà, pour un peu ce qui est tour des pilotes aujourd'hui, c'est toujours forcément assez flou. Ford l'a dit, on ne va pas encore annoncer les pilotes. Le projet, c'est dans 2 ans. Donc je pense qu'ils vont... Là, ils ont annoncé, là, ils ont lancé la machine. Là, ils vont commencer à se pencher dessus, même si je pense que dans un premier temps, le plus important, ce sera forcément le développement du proto, de la LMDH. Et pour cela, il va falloir trouver, évidemment, comme on dit, LMDH, un partenaire technique pour le châssis. Ford l'a dit aussi, on n'a encore rien annoncé, il n'y a encore rien à dévoiler. Est-ce qu'ils l'ont trouvé, pas trouvé, ça on ne sait pas. Personnellement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais bon, vu qu'il s'agit d'une LMDH, on peut supposer plein d'idées. On peut aller de Oreca, qui fait déjà l'Alpine aujourd'hui, la Cura. Il travaille avec Multimatic. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer prolonger également cette collaboration à la LMDH en 2027? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options sur la table aujourd'hui. Maintenant, c'est difficile aussi d'imaginer que Ford soit revenu en WEC sans avoir une piste un peu crédible. Je pense que pour eux, le plan doit être à peu près tracé, ou en tout cas, ils ont plusieurs options sur la table. Ils doivent savoir déjà à peu près où ils vont mettre les pieds. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a pas mal d'options. Tout ça, ça jouera aussi sur les ambitions, je pense, que peut avoir l'équipe. Si en effet, ces ambitions se confirment, qu'ils veulent vraiment gagner, il va falloir un des meilleurs châssis. À voir qui leur fournira, ça c'est une question à laquelle je pense qu'on aura la réponse dans les mois à venir, mais voilà, encore une fois, Ford pour le moment a vraiment rien annoncé, c'est vraiment l'état de j'allais dire de projet, c'est un peu plus concret que ça, mais... Embryonnaire, on va dire. Voilà, c'est ça, on a aucune information concrète, donc on attend de voir, mais en tout cas ça promet vraiment d'être une belle aventure à suivre, donc on vous conseille vraiment, si jamais vous n'êtes pas des grands habitués de l'endurance, là branchez-vous cette année, branchez-vous dans les années qui viennent, ça promet vraiment un spectacle de très très haut niveau. On l'a déjà vu l'an dernier, on compte bien le revoir cette année. Voilà pour ce qui est un peu le tour de Ford en endurance. Un peu pour refaire un autre tour un peu plus large sur Ford, il y a eu d'autres annonces et comme tu l'as dit Cyprien, le retour toujours à Pikes Peak avec Romain Dumas, nouveau véhicule, même si on suppose que ça sera la même base que les derniers électriques qu'ils ont eu, avec lequel Dumas a gagné. Forcément cette année il veut chercher la victoire, mais aussi on pense qu'ils ont réalisé un gros coup en Supercars où ils sont allés chercher les champions en titre. Triple Eight, c'est une collaboration qui a déjà existé par le passé, 2003 à 2009. Les titres de Jamie Whincup, 4 des 7 titres, il les a fait avec une Ford Falcon à l'époque. Donc là, ils ont fait un gros, gros coup en Supercars. Forcément, le Supercars, de ce côté-là du monde, c'est un peu moins connu aujourd'hui. Mais on sait en Australie à quel point le Supercars est très, très, très populaire et à quel point Ford est rattaché, enfin, aime avoir ce lien avec ce championnat qui est très relevé, avec des circuits spectaculaires. Et après il y a eu d'autres annonces en NASCAR avec un prototype électrique. Ouais, c'était une semaine très agitée dans les couloirs de Ford. Ah ouais, la Ford ils ont profité de cette fin du mois de janvier pour un peu tout annoncer pêle-mêle. Donc en effet il y a beaucoup d'infos qui sont passées. Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est une vraie volonté du constructeur de revenir fort en sport auto. Fort Ford, évidemment. Waouh, pas ça, mal. C'est excellent de blague. Ouais. Celle-là, on la notera. Ouais. Non, non, en effet. Ça, c'est Ford. Ça, c'est très, très Ford. C'est Ford de café. Bon, allez, on arrête là. Mais non, non, il y a une vraie volonté, on le sent, quoi, dans toutes les catégories, de s'affirmer, de revenir au top. Donc, c'est beau à voir, puisque Ford, bon, au-delà des 24 heures du Mans, c'est un nom marquant du sport auto. Tu l'as dit, en Supercars, en effet, ils ont un passé glorieux aussi. Et puis Ford revient en Formule 1, bon, par un biais un peu détourné. Ils vont être seulement partenariat. Motoristes. Voilà. Et c'est même pas vraiment motoriste, non. C'est plus un soutien en plus. Ils vont mettre leur nom sur le moteur de Red Bull. Globalement, ça va être plutôt ça. Mais dans tous les cas, ça restera Red Bull Ford. Ford, ça fait 21 ans cette année qu'ils ont quitté la F1. Leur dernière année, il me semble que c'était en 2004 avec Jordan. Donc, encore une fois, c'est ça, en fait. C'est une marque vraiment iconique qui était, j'allais pas dire tombée dans l'oubli, mais qui quand même avait pris un peu de recul avec les catégories principales du sport automobile et qui là revient, mais vraiment très fort en l'espace de quelques mois. Donc, c'est aussi une super pub pour toutes ces catégories d'avoir une marque aussi iconique qui est de retour et qui surtout vient pas juste pour jouer les accessites, quoi, qui vient vraiment pour briller. Voilà pour tout ce qui est Ford, Endurance, etc. Je profite de ta présence, Cyprien, pour que tu nous en parles un peu de ce qui va se passer cette semaine chez Auto Hebdo. Il y a le salon Rétromobile, un salon très apprécié des fans de voitures, des fans de sport méca. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Et Auto Hebdo, il sera présent cette année encore. Et oui, bah, on vous l'a dit, la semaine passée, elle a été chargée pour Ford et la semaine à venir, elle va être chargée pour Auto Hebdo. On sera en effet présent à Rétromobile, dont on est partenaire. Donc si vous êtes fan de voitures anciennes, c'est évidemment l'endroit où vous rendre, hein, Paris-Porte de Versailles du 5 au 9 février. Mais si les voitures anciennes, c'est pas trop votre truc et que vous êtes plutôt branché sport auto, et bah, ce sera aussi l'occasion pour vous d'aller découvrir une expo dédiée à la Formule 1 française. Il y aura des intervenants iconiques du sport auto français. On va avoir Olivier Panis, Jean Todt, aussi Sébastien Ogier, hein, qui va être là quelques jours après son 10e Monte Carlo. Donc, bon, René Arnoux, etc. Voilà, beaucoup d'anciens pilotes qui seront présents. Également, du coup, des anciennes Formule 1 à voir. La Benetton de Schumacher, avec laquelle il gagne le titre en 95. La Williams de Villeneuve de 97, pareil, champion du monde cette année-là. Bon, ça va être une édition à vraiment pas manquer. Et puis, bon, si vous n'êtes pas en région parisienne ou que vous n'avez pas l'occasion de vous y rendre, bah, vous pouvez compter sur nous. Pour vous faire vivre cette édition, puisqu'on sera sur place. On vous fera des vidéos, comme vous avez pu le voir, sur nos réseaux sociaux, que ce soit au Monte Carlo ou au Dakar récemment. On y sera avec notre partenaire Kenol, qui nous accompagne donc sur cette édition. Vous pourrez retrouver des vidéos sur les modèles présents, des interviews, des personnalités. Donc ça, sur notre compte Instagram, sur notre compte Facebook, sur notre compte TikTok et également sur les plateformes de Kenol. On va vous faire vivre cet événement de l'intérieur et on espère que vous en prendrez plein les yeux. Voilà, merci pour ces informations, Cyprien. J'espère que vous pourrez nous accompagner aussi bien sur place que sur les réseaux sociaux. C'est la fin de ce 26e épisode déjà d'Outlap. J'en profite pour vous rappeler que le numéro 2498, et oui, on se rapproche des 2500 déjà, numéro d'Auto Hebdo, sort évidemment ce lundi en version numérique à partir de 20h. Et mercredi dans tous les kiosques. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre pour l'acheter. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir accompagnés. Cyprien, belle première. Bienvenue à toi. Bon, ben merci Gonzalo. Ravi d'avoir fait cette première avec toi. À une prochaine, on espère. À très bientôt.